Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer ce matin l'étude de l'Épître aux Galates. On est au verset 3 du premier chapitre. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous allons voir ce matin ce qu'on appelle habituellement la salutation de l'apôtre Paul a fait à l'Église de la Galatie. Nous allons voir, Seigneur, des grandes vérités encore ce matin. Nous allons entendre toi qui nous dis quelque chose, qui nous donne des vérités et des principes et des préceptes pour te connaître et pour te servir et pour te louer. Ô notre Dieu, nous ne voulons pas entendre la voix des hommes, mais la voix de Dieu. Parle-nous par ces quelques versets ce matin. Au nom de Jésus. Amen. L'introduction. Apôtre Paul qui s'adresse aux églises de la Galatie. Des églises qui sont là depuis quelque temps. Je dirais peut-être une vingtaine d'années, 15-20 ans. C'est dans les premières que Paul a établi dans les Actes des Apôtres. Jésus serait parti dans les années 30, et il se passe quelque temps, on dit une 12 à 15 ans, avant que Paul se convertisse, qu'on pense. Donc, Paul a commencé à établir des églises dans la Galatie, et là, il a entendu dire que pas longtemps après qu'ils aient établi les églises, parce qu'il dit, vous êtes détournés promptement de l'évangile que je vous avais emmené, que je vous avais annoncé. Donc, ça fait pas longtemps que l'église existe, mais elle est déjà en train de se détourner de la vérité. À cause de certains hommes juifs qui étaient venus de Jérusalem, disant que c'était les apôtres qui les envoyaient, pour emmener les chrétiens de la Galatie à s'éloigner de l'évangile que Paul avait emmené et à additionner, pas éloigner totalement, mais ajouter la mise en pratique de la loi comme moyen de salut. On a vu ensemble, il faut faire attention de ne pas prendre cette épître-là pour sermonner les croyants qui fonctionnent dans la vie chrétienne ou des croyants qui luttent avec le péché, mais ça nous est écrit pour redresser un individu ou une église qui serait en train de se laisser séduire ou troubler ou éloigner de l'évangile par de faux docteurs. On a vu aussi que l'apôtre Paul a une autorité supérieure à tous les autres faux docteurs qui sont là, parce que lui, l'évangile qu'il a reçu, lui a été envoyé par Jésus et par Dieu lui-même. C'est Jésus qui l'a envoyé au même titre qu'avait envoyé les 12. C'est eux qui vont mettre en place les fondements. Je ne crois pas personnellement que l'apôtre Paul fait partie des 12. C'est un 13e. Et je pense pas qu'il va être parmi les fondements de l'Église dans l'Apocalypse. Mais je crois qu'il a autant d'autorité du fait que Jésus lui a apparu et Jésus lui a transmis l'Évangile au même titre qu'il l'avait transmis aux 12. On va donner plus d'explications à cela dans les jours qui viennent. Ce matin, nous allons voir la salutation de Paul. Pour ce faire, nous allons relire du verset 1 au verset 5, si vous voulez bien. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc l'apôtre Paul fait cette salutation-là comme dans presque toutes les lettres qu'il écrit. Il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans presque tous ses épîtres, dans toutes ses lettres, il va dire la même chose. Moi, je les appelle les deux inséparables, la grâce et la paix. Des fois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il parle de ça, parce que les chrétiens ont été graciés de la part de Dieu et ils sont en paix avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Qu'est-ce qu'il dit quand il dit que la grâce et la paix vous soient données? Je crois que dans cette pensée de l'Épître, que ces chrétiens-là sont troublés par de fausses doctrines et qui sont en train de s'éloigner de la grâce qui est en Jésus-Christ seul. Le fait qu'il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de Jésus, je crois qu'il veut les encourager à se garder, à se maintenir dans cette grâce-là, non pas par une vie chrétienne exemplaire, non pas par l'obéissance au commandement de Dieu, mais par la doctrine, par la vérité. C'est ce qu'il va parler tout au long. Il ne va pas dire, si maintenant vous voulez continuer à être sauvés, là, ben il va falloir que vous obéissiez au commandement du Seigneur. Hein? Il ne parlera pas de ça dans l'Épître. Mais il va parler de la doctrine. Donc, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, l'origine ou la source de la grâce ou de la paix, c'est Dieu et c'est Jésus-Christ. Donc, si je veux savoir de quoi il parle quand il parle de grâce et de paix, mais ça vient de Dieu et de Jésus, du moins. C'est pas la paix qui est donnée par le gouvernement, c'est pas la paix parce que les gouvernements ont signé un traité de paix. On parle pas de paix entre tes conjoints qui se sont entendus quand ils ont eu des petits problèmes. C'est pas ça qu'il parle. Il parle, il dit, la grâce et la paix qu'il vous soit donnée par Dieu et par Jésus. Donc, ils en sont la source de cette paix et de cette grâce. Et je crois que, à cause de ce que l'apôtre Paul va faire dans le restant de l'épître, je présume que cette grâce et cette paix viennent de la vérité, viennent des Écritures. C'est là qu'on va la chercher, cette grâce et cette paix. On peut pas la trouver, la grâce, dans la loi. On peut pas trouver la grâce dans la prière. On trouve la grâce et la paix dans deux personnes, Dieu le Père et Dieu le Fils. Il dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés? Jésus, notre Seigneur, s'est donné lui-même. Il s'est donné pour nos péchés. Donc, il a voulu prendre sur lui, il a voulu venir dans ce monde, prendre nos péchés, s'est donné lui-même pour nos péchés, donc il s'est donné à la mort, hein, il s'est donné à devenir humain, et grandir, et mourir, et ressusciter. Donc, il est venu se donner lui-même pour régler le problème de notre péché. Mais il dit à la fin, on va sauter afin que, selon la volonté de notre Père Jésus-Christ. Donc Jésus n'a pas fait ça de son plein gré. Il n'a pas fait ça tout seul, comme on pourrait dire un entêté. Non, c'était la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus s'est présenté continuellement dans les évangiles comme celui que le Père a envoyé. Il était l'envoyé du Père. C'était la volonté de Dieu qu'il vienne. Mais Jésus-Christ, quand il dit qu'il est venu se donner lui-même, c'est qu'il était en plein accord avec cela, il voulait ça, il désirait ça, venir se donner pour nos péchés, qu'il a porté à la croix. Et pendant qu'il portait les péchés, il a subi la colère de Dieu, il a payé la dette de nos péchés, et Dieu nous a sauvés. Mais sauvés, regardez bien comment ce qu'il va le dire dans le verset 4. « Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. » Donc il dit, il s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ici, il ne dit pas qu'il nous a sauvés pour nous sauver de l'enfer, pour nous emmener au ciel mais qu'on meurt, mais il dit, Jésus a pris sur lui nos péchés, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? Certainement pas en train de vouloir nous dire que maintenant, vous vivrez plus dans le monde, vous allez vous commencer des communes, vous allez aller dans des monastères, vous allez partir des villes, vous allez avoir juste des chrétiens, vous allez vous séparer du monde. Il vous a arraché, enlevé, puis il va vous mettre ailleurs, dans une place qui ne sera pas mauvaise. On sait que c'est pas ça qu'il dit. On sait que c'est pas ça qu'il dit. Ils vont rester dans le monde, ils vont continuer leur main job, ils vont garder leurs enfants et leurs femmes, même s'ils ne seront pas croyants, ils vont garder leur maison lorsqu'ils sont, ils vont continuer à fréquenter les mêmes épiceries, ils vont continuer à fréquenter leur parenté, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par arracher le présent siècle mauvais? Pourquoi? Pourquoi il emmène ça ici? Pourquoi il dit pas « afin que nous puissions aller au ciel, mais qu'on meure? » Non, c'est le résultat que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés est immédiat, afin de nous arracher au siècle présent et mauvais. Le siècle présent, il est mauvais. À cause de quoi? À cause de ses péchés. Donc, ça veut-tu dire que maintenant, les chrétiens feront plus de péchés? Il y en a qui pensent ça. Ils en feront plus. En tout cas, ils vont en faire moins. Ils vont faire leur possible pour en faire moins. Il dit, verset 4, « Selon la volonté du Père, Jésus s'est donné lui-même afin de nous arracher au siècle présent qui est mauvais. » Et là, il dit au verset 5, « À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, pour moi, le siècle présent ne fait pas la gloire de Dieu. Le siècle présent, il est mauvais parce qu'il ne fait pas la gloire de Dieu. Parce que si le siècle présent est mauvais parce qu'il fait des péchés, mais l'Église fait encore des péchés. Donc, elle sera encore mauvaise. Je suis enseignant dans les églises depuis 37 ans. Et l'Église est un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont encore des pécheurs. Ils pêchent encore. Donc, ça peut pas vouloir dire qu'il nous a arrachés du siècle présent puis qu'on fait plus de péché. Mais, à cause qu'il nous a arrachés du siècle présent, nous maintenant, qui sommes le peuple de Dieu, nous voulons servir à la gloire de Dieu. Nous servons à la gloire de Dieu. Nous sommes des instruments pour la gloire de Dieu. Dieu va nous utiliser et nous utilise jusqu'à la mort pour se glorifier, pour tirer gloire. Mais attention, si j'enlève quelque chose à l'Évangile, et si J'ajoute quelque chose à l'évangile, comme ça va être le cas dans notre épître, la circoncision et la loi. Je fais partie encore du siècle mauvais. Christ ne s'est pas donné lui-même pour moi. C'est pour ça qu'il va dire, si tu fais ça, Christ ne sert à rien. Si vous comptez sur la circoncision et la loi pour être justifié, vous êtes perdu. Vous êtes anathème. Vous êtes en dehors du peuple de Dieu. Vous faites pas la gloire de Dieu. Ce qui fait la gloire de Dieu dans ce monde, ce que l'Église fait pour donner gloire à Dieu, elle prêche la bonne nouvelle de Dieu. L'Église ne fait pas la gloire de Dieu parce qu'elle ne pêche pas ou qu'elle pêcherait moins que les autres qui sont pas dans l'Église. J'en ai assez vu dans l'Église. J'en ai assez vu dans ma propre vie. J'en ai assez vu pour être certain que c'est pas ça. Et si vous êtes dans les églises depuis assez longtemps, si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous savez que c'est pas ça. Dieu vous a pas arraché du siècle présent et la preuve, c'est que vous êtes plus péché. Si c'est ça, vous avez la preuve qu'il vous a pas arraché au siècle présent. Mais il vous a arraché au siècle présent et vous avez la preuve parce que maintenant, vous savez que vous recherchez la gloire de Dieu, vous voulez la gloire de Dieu et vous voulez proclamer l'évangile de la gloire de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. En Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu, s'est donné lui-même. Pour nos péchés, pour la gloire de Dieu. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. C'est pas... Je l'ai fait aussi assez longtemps. Au lieu de proclamer la bonne évangile de Dieu, comme Paul disait aux Romains, j'aimerais ça être parmi vous pour vous prêcher l'évangile. Au lieu de prêcher la bonne évangile de Dieu à l'Église, on sermonne l'Église. On accuse l'Église. On culpabilise l'Église. On essaie d'amener l'Église dimanche, après réunion, d'être des meilleurs couples, des meilleurs parents, des meilleures femmes, des meilleurs maris, des meilleurs enfants. On essaie d'en faire des meilleures personnes. Et ça ne fait pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne deviennent pas de meilleures personnes. Ils vont mourir pécheurs. Ils vont continuer à pécher toute leur vie. Mais, quand je proclame que Jésus-Christ s'est donné, que Jésus-Christ s'est livré à la mort pour moi, pour mes péchés, afin de m'arracher au siècle présent et que je serve à la gloire de Dieu, là, j'ai été arraché au siècle présent. Au mauvais siècle présent, qui veut la gloire pour lui-même et non pas pour la gloire de Dieu. Faisons attention de ne pas utiliser l'évangile pour commencer une religion de bonnes personnes. Ne nous servons pas de l'évangile pour faire des croyants des meilleures personnes. Mais servons-nous de l'évangile dans la vie des croyants, dans ma propre vie, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Quand je lis les Galates, quand je lis les Corinthiens, quand je lis toutes les épîtres de Paul, je vois bien que toutes les églises sont comme les églises aujourd'hui. Ils luttent avec le péché encore. Mais ils servent à la gloire de Dieu parce qu'ils continuent à proclamer la vérité telle que reçue par les apôtres. Notre bon Père du ciel, merci que c'était ta volonté, ton plan, ta décision d'envoyer Jésus-Christ pour prendre nos péchés. Merci Seigneur Jésus que tu as bien voulu de ton plein gré venir prendre nos péchés. Merci de nous avoir arrachés au siècle présent. Et que nous servons maintenant à la gloire de Dieu le Père et la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.